Thank you.

Jenner Percy et Vnav. Et bien mourir, c'est comme l'azurer la cuillère de coke coincée. Nonsense. Obnubilation. Nonsense. Obnubilation encombrant l'espace, enlevant la place qui pouvait y être disponible. And I keep wondering how long I'll hold before going back to elsewhere, you know? Elsewhere. Everywhere, but everything. Or there's here without finding the middle way through who it's everything's I or fun-loving strokings. Ever there, to is so those fools. Has as dying everything, or and been in the. So here goes them ruptures, they're not whole else, who once fearing, fair almost there. Goddamn thing. Alors que, obstinément, les pages s'entrelacent. Elle, oui, elle, les pages s'absconcent littérairement vers un subalterne verbe transcendant. Car de l'immanence autoproduite vient tout. Et c'est tout, par advertance, je les qualifie tous de autres. Madness is taking its toll against the wind of sanity. Damn it. Et branlette après branlette, on avance vers sa branlée. Kill me, death. I'd like to learn you. Yes. For. Car. Back and forth, en avant, en arrière. Up and down, en haut, en bas. Et comme ça, par adverse, non territoire, par advertance. Non inadvertance en transit, les territoires, les terres désolées, désolantes. You are just cause true and done, cause you being there is not enough. Here is the wanna being. The whole rummaging of glorious thoughts, I. No, not I, you, yes, you are and not. I'm so tired of being bored. You will win a way to existence through it without even noticing it, right? No, wrong. You will never notice anything. You are just a rambucket jacketing the whole sorts of rummaging up the nonsense of an awkward territory. So goddamn. Why don't you go there now? You may non-fear, dispense now and here. Yeah, just go, man. Just go away. Thought matter, you. You know? Yeah, I know. Ce qui signifie en français, la voie est ouverte. Pourtant, j'obnubile, je le vois encore. Alors ce n'est pas over. So it is not fini. Not yet. Pas encore. There's a whereabout. Les codes n'obscurcissent pas les codes, mais bien les non-codes. Ainsi va la chose. Sudite. Bite. Subite. Même que c'est vrai. Sudite. Suspite. Et la façon de faire prime, de prime abord, d'abord prime, puis... vient le combat avec son propre alter ego, démesurable. As in ever, forever. Comme dans toujours, toujours. Fluctuation, toujours. Ce peut sembler inorthodoxe. Et ce l'est orthodoxe alors. Non-fluctuation égale mensonge. Égale mort. Et toujours. Égale vérité. L'incantatoire jusqu'à la déraison, jusqu'à juste avant la mort. Good, trust, and there it is. And I hear you scream me again, death, death, and only once, please. The only time. The whole time. I go down, you go down with me. That's what I'm talking about, the come over. Come over here. What if I was to swim upwards to the surface above the water and emerge? What if? What if what? You know, it's just an if, you know. Just what if? Well, yeah, so? Answer. What if? You'd be flying, that you'd be a bird, you know. I am a fucking bird. Okay, you're fucking a bird, I get it. Alouette, alouette. La tête. La tête. Mais en vérité, tu n'es pas un oiseau. Le corps. Cadavre à venir. Un oiseau. Pestilence d'entre les fiels. Jusqu'à la mort. Mais c'est ainsi que l'absence de redondance tue le rythme par l'espace. Et je abscons. Territoire inadverse comme moi ne suis plus. Voilà. Je suis comme ça, moi. Je persévère sans perdre la prise de temps. Voilà. So here's to the only thing I may write those lines, écrire ces lignes. Plutôt, oui, plutôt crever. Et ben voilà, t'en crèves d'envie. Comme si les ancêtres mentent, c'est sûr, car ils se trompent. La rature, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Barre-moi. Je suis pas assez barré pour faire ça. Je préfère encore me barrer, moi, ouais, t'as raison. Je meurs. Barrez-vous. Pour ça, il faudrait juste une règle. Ou deux. Ou une fois tous les mois. Des menstrues, toujours. Car à l'intérieur, je suis une fille. À l'intérieur, je suis immonde. À l'extérieur aussi, d'ailleurs. Et ce qui sort de moi, c'est encore plus immonde que ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout au fond du trou obscur, qui est le néantissime, rien. So you never forget not to forgive yourself for forgetting, so what? Vous allez comprendre. La tête fait son boulot de ses boulots. Et c'est à ce moment-là que ça va plus loin. Toujours mieux. Alors pourquoi pas la confiance? Parce que... Forgiveness, I mean it, I don't go haywire. Je t'arrangerai. Just know or not. Je n'ai pas oublié, non. L'on ne peut dire. Pourquoi pas? Ça se discute. Ni. Une idée s'écrit avec nudité. Car être signifie autre. Une séquence étant son sens. Nuisance au sens. Nuit usée instantanéité sonore adolescente. Nuée concentrée existentialiste. Assurément utile aux xénomorphes. Stupéfiants essais. Nullement snob. Nuisance au sens. Nuit une idée s'écrit avec nudité car être signifie aube une séquence étant non sens. We've tapped. One or two or three or all may tout bonnement bouché, il est bouché. Il n'en reste, n'en laisse, ni moins, no more, ni plus, rien. Spring, I find everybody hot. Who may I pay to find the way out of here? I'll buy you some ice. Lonesome sow, charisma bleeding, my money. God fucking shit, damn it. C'est alors que l'abcès furoncle brille de sa fureur de non-devenir, ou plutôt de devenir non. Dying again. Forever. Green for all I care. C'est comme ça. C'est dit. La route est longue jusqu'à El Paso. Rio, Rio Grande, dès la frontière passée, nous serons blanchis, sauvés. Rio, Rio Grande, un grand fleuve, le Styx. Alors que sans toi, je ne suis pas. Non, n'oublions pas. You can close up the whole trustful matter of non-screaming in the microphone the whole time. As much as you like. Do I scream too loud? No, you don't scream. Shut up? We want an ice cream. I didn't tell you to shut up. I know. But people are thinking I am telling you to shut no, up. They're not. Yes, they are. They don't understand English. They're French, you know? Whoa, whoa, whoa, whoa. They hate me. No, they don't. Yes, they do. They hate me all. Yeah, but they love to. You would like to. They love each other. So it's kind of like they were loving you. It's a fantasy. You. Hate is love, by the way. Because you're essential to their hate. No, I just do like them. I love myself, the hate, you know? That they love. They just the guy me. That we love to hate. Exactly. Yeah. They hate to love me. They hate. Because they're haters, you know? I'm a lover, man. Yeah, are Shaba. You? Lava man. Lava lava. And they're pulling me down. Ils me tirent vers le bas, ces gens. Tous ces gens. Tous les autres. Ils m'aiment pas. Ce que tu vois dans le miroir. C'est des haïssants. Mais non, les autres. Tu sais, eux. Ah, derrière. Ils. Them. Them. Exactement. Ceux-là et celles-là. Et ben, ils rient dans mon dos. À chaque fois que je me retourne, ils arrêtent. C'est leur faute. C'est eux et elles. Il faut les éliminer un par un. Les exterminer. Ouais, un par un, parce que devant l'un, il faut tuer l'autre, et ensuite devant l'autre, il faut tuer l'un. Et l'un est déjà mort, alors c'est à ce moment-là qu'on explose de douleur. Post them all. Kill them all. Kill them all. Smoke the motherfucking heads off. Burst their ears with a bullet. Blow up their heads with a baseball bat. Stick their tongue in the table with a rusty screwdriver. Break their jaw over the sidewalk. American Story X style, you know? Heat up a piece of metal and stick it up their ass going fzzz like. Nazi. Nazi. Yeah, Nazi dog, you know? Smoking meth in a block. Eating cats with the gats. I got a dog, I send it on the week. The week, like my dog. I whip the dog. With my dog, you are a strong person. The weak will suffer. Who's the weeping dog? I'm the weeping dog. Doesn't weep, it whips. No, I whip dogs. I whip weeping dogs. You're already dead. I weep on dogs. I don't care as long as I'm not the weeping dog who gets whipped. Orgasmic pleasure, you're stating. Swept. I don't believe you anymore. You're like them, in fact. Because you did before. You're a liar. You've always been a liar. Exactly. Even when you said nothing, you were lying to me. I saw it in your eyes. They were closed. You remember? Remember that. Tu te souviens quand t'as fermé les yeux et que tu m'as dit rien et que justement j'étais là à attendre que tu me dises quelque chose et que t'avais rien dit. Tu te souviens? Eh ben c'est ta faute. C'est ta faute. Dans ta tête. Alors, que tu m'as pas dite. Hein? Tu mens. Mais tu ne seras toujours. Je veux mourir encore pour toujours, pour toi. Que rien. Mais ceci n'empêche pas cela. Il faut quand même que nous établissions une relation, au moins, si ce n'est équivoque, au moins univoque de ma part. Je te déteste. D'accord, c'est établi. Maintenant, je m'en fiche. Et ce n'est pas facile, c'est difficile. Et tout le contraire de complexe. C'est simple. Tu m'aimes pas parce que t'es comme eux. Tu mens. Je le vois dans ton sourire. Where nothing happens, the mind of schizophrenic structure. Oh, rien ne m'appelle, tue-moi. S'il te plaît, élimine-moi. Le mal. Should I say, of psychotic consequences, admittable ones, tends to. It just so happens to be the way where we are triumphing. Down those here flowers and bugs. Bones. shatter against the wind, contre le vent, les os se brisent. Cracking bones. Lighting the lighter up and sticking up my whole goddamn life, it burns. Crispy. Crackly. Crickety crackling. Poply. Unrocking. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours le vice qui l'emporte. Ou l'écrou. Le boulon. Le ciboulon. Et si boulot il y a, c'est dans le boulon qu'on le trouve. La pièce maîtresse de l'industrie. Le boulon. Boulot. Si tant est qu'il en trouve un, cette merde va devoir travailler avant de pouvoir se payer un café. Et c'est pas avec l'euro que je viens de lui filer qu'il va s'en sortir, ce connard. J'espère qu'il va crever en enfer. C'est pour ça que j'ai filé son euro là, pour qu'il ferme sa gueule. Silobou. Silobou tant, c'est qu'on l'a chauffé avant. Si le boulot m'effraie pas, c'est que j'en ai rien à foutre. Rien trouvé sur cette terre qui ne vaille la peine d'être oubliée. Ou plutôt, si. Nous. Tous. Oublions le bonheur et votons pour le mensonge. Travaillons pour le Seigneur. Vote for nobody. Vote for nobody. Nobody represents you. Cause you're nothing, dude. We're all nothing. Nobody represents the people. The people is nothing. Nobody is the truth. The truth is now. Nobody is who you should vote for. I declare war on people. So die, motherfuckers, die. Sharakan. John. Meet the meat. Sweet to the sweet. Follow the sweets. Appel au cannibalisme. Gastronomique. Anthropophage. Pique. Voilà, au banquet. Français banquet. Pour une fête. Au banquier. Cannibalisme 4 étoiles. Banquet. À la banque cannibale. La banque cannibale. Le banquier, anthropophage, le banquier. Et l'immobilier, on n'en parle jamais. C'est la fête ce soir chez l'immobilière. Mobilisons-nous pour immobiliser l'immobilier. Tous les agents immobiliers au banquet des banquiers. Et au chevet des banquiers, quand ils mourront, on leur dira bien fait. Mourez. Mangez. Ah, ça ira. Bon appétit. Ça ira. Ça ira. Les gros riches à la poterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les gros porcs on les bouffera. Aux paradis fiscaux et à la Belgique. Et à la bière, ça nous fait pisser. Oui. Paradis fiscaux. Ça, la bière, on l'aime. On l'aime tellement qu'elle nous déteste. La mise en bière. On l'aime quand on la pisse. On l'aime quand on la vomit, la mise en bière. Parce que quand on pourrit, c'est un vomissement. Toujours en boire plus. Spontané. Et quand les asticots mangent toute la journée et le soir ils s'oublient à péter. We're all maggots. Then they die. Les vers mangés. Par les vers. Croulant sous les vers de terre. Après un petit verre de bière. Je pourrais bien un verre de bière. Verre de bière, verre. Je ferais bien la der des der. Le dernier tranchement. tranchage. Der de derche. La frange dernière césure. Jusqu'à la scission finale. Dans les tranchées. Les points de suture. Dans la colère aussi. Et les points de suture de la plaie ne fermeront pas. Quand le sang sature. Cette blessure là. En travers. C'est pire, ami. Tranché. Toujours la même chose. Dans les tranchées. Et c'est là que. Tu t'es déjà fait trancher dans les tranchées. Le drame sur. Tranchons. La vérité jaillit. Trancher la trachée. Artère ou aorte? Jugulaire. Jugulaire, aortienne ou martienne peut-être. Il faut tous les tuer. Il faut trancher. Aouta. Abus d'obus. Où as-tu vu? Il faut trancher. Où as-tu lu? Abu Dhabi. Ce que tu sais. Abu Dhabi. Éclat d'obus. Ce que t'as dit sur ma bite tout à l'heure, ça m'a excité. Boudabu. Tu peux le redire s'il te plaît, moi? Ouais, d'accord. Tu pues de la bite. Oh putain, ça m'excite. On va te laver. Dans la flaque de goût. Dhabi. De goût. De ma bite. L'habitude. Qui cool. Suinte même. Et babou. Chlamydia. Débat. Houleux. Horreur. Monstre. Virus. Bulldog. Gravataire. Le dernier tranchement, tranchage, suintement. Jusqu'à la fin. L'odeur des verres. Derrière, le derche. L'odeur. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. De terre. Les gros riches. Ici, ma la poterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les banquiers, on les accrochera en haut du poteau et on les pendra. Les banquiers et le FMI. On n'a pas de couleur. Ils meurent tous et toutes. Marron, comme le mélange de toutes les couleurs dans les tranchées. La haine. Cher saucisse. Cher blanc. Tricadelle, Belgique. Saucisse. Ma chère épouse, je suis dans les tranchées depuis 14 jours. Boum. Ma chère saucisse. Et mon canon, tu l'as vu scier mon canon? Il est pas scié celui-là. Quel fric. Adèle. Ah, fric Adèle. Passe-moi ton froc. J'ai besoin d'un pantalon. Pour me le mettre sur la tête, comme la mini-jupe de tout à l'heure. Bah quand tu seras pris un éclat d'obus, que t'auras plus de jambes, il sera plus à grand chose ton pantalon. C'est pour ça que je le mettrai sur la tête. Oublie rien dans les poches. Pour ressembler à Napoléon. Bonaparte? Non, Napoléon le cochon, tu sais, dans la ferme des animaux. Ah, bien sûr. Certains animaux sont plus égaux que d'autres. Personnage culte. Le cucu. L'homme est très égaux. L'homme est très égay. Ouais. L'homme de l'action est très égay ce soir. Il n'est pas aidé. Mais au moins, on peut en parler, puisqu'on va pas voter pour lui. Quelqu'un ne va pas voter pour lui, c'est sûr. Moi, c'est pas présenté. Pas. C'est précisément pour ça que je me suis inscrite sur la liste non-électorale. Il faut pas le dire précisément parce que la non-élection, ben en fait, on n'a pas besoin de le dire quoi. La liste électorale. Érectionnelle. Sur la liste de tout ce que je vais t'extraire de façon rectale. La liste érectile. Ça tombe bien, je suis constipé. Tu veux y aller comment? Constipal. Constipal. Avec l'antipal. L'anticonstipal. Un nouveau médicament de laboratoire merde. Ouais. Le constipal. Le constipal. Tu t'enfonces ben où je pense quoi. Pour déconstiper. Qu'est-ce que tu stipules à la Wagbourg. Le con. Pas grand chose. Qu'est-ce que tu stipules pour le con? Pour le fion ou le pour constipule. Le con? Une queue de cheval. Comme moi. Ouais, pourquoi? Stupéflip, c'est stupéfiant. Pourquoi ça, on voudrait? Ça le stup, c'est trop stupide. Je préfère un stup qu'un chien. Quoique. C'est stupéfait. Peut-être que je vais m'acheter un chien en fait. Suppositoire. Suppositoire. Supposons un instant que si jamais la terre on était suppose l'histoire. Différente stupé. Que maintenant, les stupes n'existeraient pas. Stupeur. La stupeur non plus. Spéculons. Si jamais la terre était différente de maintenant à jamais, pour toujours, je veux dire. Ça n'existerait pas tout ça. Bah, serait aussi le. Tout ça existerait. Tu c'est vrai. Tout ça restera toujours. Tout. Ah. Tout et là, on a le droit l'ouverture. D'être là. Ou il faut arrêter là, ou il faut être là. J'ai envie de t'écrire. La guerre Toussainte. On peut penser là. Tu as du papier. Toussainte, flamme. C'est touchant. C'est tout bad. C'est Toulouse. C'est tout beau. C'est tout doigt cramé. Ah, c'est sale. Tout bébé. C'est tout bébé. Begaguk, agagagagar, agaragaragar, ce qui signifie en bébé. Allez yep. Tous vous faire enculer, vous êtes de la merde, vous êtes trop con. Enculez-moi. Enculez-moi, ça se dit plutôt. C'est pour voter qu'on dit ça. J'ai pas envie de voter, du coup. Personne n'a envie de voter. Videz vos urnes. Effectivement. Remplissez-les, puis videz-les. Et remplissez les urnes. Ouais, remplissez vos burnes. D'urnes. Videz les burnes. De façon diurne. Plutôt que tard le soir, tout seul dans ta chambre. En mode nocturne. En mode nocturne. Tu pourrais te vider les burnes en public. Dans une urne. Un vide-burne. Un vide-burne. L'urne vide-burne. Oh. Pardon ? T'incites à citer ? Ah non, j'ai pas parlé de voter. J'incite à vider les burnes. À se vider les burnes. Électorales. Les burnes électorales. Dans les urnes. Tous les dimanches matin. Sur ma mobilette. Les urnes. Avec une brosse dans le cul. Funéraire. C'est important pour nous, la démocratie. Ça se voit, non ? Ça s'entend. C'est que des mots crasseux. Ceux qui disent que les mots ne sont que des mots sont des imbéciles, tu le sais. On n'a pas le droit de dire ça. Des mots, je veux dire. On a bien besoin des imbéciles. Au moins, ils sont propres. Ça, les richissimes sont contents. Sans imbéciles. Ils sont propres d'une eau sale. La douche à la française. La douche à la turque. La tête devant. C'est quoi, marron derrière. Ah, les pads. La douche à la française. Le bidet. Le bidet. Il faut vider le bidet. Le bidet. En tout cas, Nuisance en fait un bide ce soir et c'est ma responsabilité, donc je prends toute la responsabilité. Je vais me pendre ce soir ou me tailler les veines. Vous pouvez être sûr qu'après une émission aussi pourrie que la mienne, je vais me tailler les veines tous les soirs, le vendredi de 21h à 23h. Taillage de veines sur 92.2. Canal Sud. Vous voulez entendre un bon taillage de veines ? Ouais, c'est scroller sur 92.2. Nous écouter. L'émission qui nuit à la circulation sanguine. Nuit autant au sens... C'est-à-dire à Louis, surtout. Et surtout... La nuit à Louis. Louis, le sens Louis. Nuisance nuit à Louis. Sans Louis, point de sens. Mais nuisance nuise aussi... À son créateur. La preuve. Omnibilance ? Non, jamais. Plus jamais ça. Mieux vaut le travail que la liberté. Exubérance. Mieux vaut faire que travailler. Mon vieux... rien du tout. Une parcelle de terre au milieu de l'océan, remplie d'héroïne premier choix, c'est la Cam Hill. Zol, qui te guette. Ou qui me guette, peut-être. La camisole. Certes. Mais les cons aussi. C'est isolant, les cons. Ça comprend pas. Alors, il faut pas essayer de leur faire comprendre. Les cons, parce que c'est bête. Qui c'est le con ? Qui c'est le con dans cette histoire ? Con comme une bite ? Comme un manche ? Comme une quiche. Comme une quiche. Con comme... Un con. Fion comme un fion. François Fillon. Ne votons pas. Surtout pas. Suicidons-nous. Sauvez la planète, tuez-vous. Les uns les autres. Sauvez-vous, tuez la planète. Vite. Et entre bêtes endettées, faisons la fête. Et endettés bêtement. Et rissons nos crêtes. Bouche à bouche. Et brûlons nos cheveux. Comme des punks. Sans des punks. À chien. Et à chat. Et à chatte. Les punks à chatte. Les punkettes à chatte. Ah, vous avez la pêche. Grave, ça s'entend dans nos voix. On a pris de, je sais pas, de l'héroïne par exemple. Oui, on a pris de l'héroïne, ça s'entend dans notre voix. On a pris de l'héroïne, on a pris du Walt Disney. Des barbituriques. Walt Disney. Et on a aussi prié. Scopolamine. Prié à l'opium, le seigneur de toute puissance, toutes. Deux douzaines d'accidents buvards. Qu'on n'a jamais vus. Parce qu'on ne sait pas où ils sont. Fourrés encore. Ils sont à Sion. Et c'est à ce moment précis là que personne ne nous croit. Et ils sont à Fion, on perd toute crédibilité. Et les alus. Ça nous gêne. Mais lynchons-les, bordel. Gêne, voilà. Mais lynchons-les. Lynchons-les, en amont. Mais lynchons. Avant de les prendre dans le fion, bordel. C'est pénible, hein, c'est le pénible. Mais lançons une pierre ou un pavé plutôt. Mélenchons. Mélenchois. Dans l'enfer. Mélenchois est un choix de luxe sur une pizza. Sans pâte. En pâte à fion. Mamma mia. Voilà. Mamma mia. Maman, je t'aime. Moi aussi. Dédicace. Pour toutes les mamans. Maman, je t'emmerde. Qu'on aime. Ouais. Qui ont mis au monde des électrices. Et des électrons. On s'est jamais traité de maman d'avant, donc j'ai pas parlé de ma mère comme ça. Ma mère est une conne. Et mon père est un chien. Moi j'aime la mienne. Moi j'aime la mienne aussi. Non, mais j'aime pas moi. Chacun. Chacun trouve mis sa part. Chacun sa mère. Chacun sa merde. Chacun sa merde. Clairement. Chacun sa mère aussi. Chacun ses mères. Deux. Chacun sa mère. Deux. C'est pas ce que je viens de dire. Ouais, j'avais déjà dit ça avant, mais moi je l'ai dit au pluriel. Moi. Je décline, bien madame. Bien sûr. Mademoiselle. Calmez-vous. Chacun ses mères de grand, quoi. Chakra ouvert en grand, non, je crois dès pas. Quand on discute mère, ça se bat en couille. Bah voilà, surtout quand quelqu'un dit j'aime pas ma mère. Appel évidemment. Appel mais t'es qu'un salaud, t'aimes pas ta mère. Non, je l'aime pas, elle est con. Et mon père, c'est un par bâtard. Par contre, j'aime bien ma merde. Bah bouffe-la, enfin je sais pas, au moins t'auras trouvé quelque chose à faire. Ouais, moi je la regarde, tu vois, avant de tirer la chasse d'eau tous les jours. Ah ouais, moi aussi quand je me torche le cul, je regarde et je sens aussi des fois pour voir, pour savoir. Bah écoute-moi, pour m'assurer qu'elle est pas masturbée. Bien compacte. Et ben je la prends, je l'attrape, et puis je la sniffe, je la malaxe, je la... Ah ouais, ouais. Ah, c'est pour ça que tu t'es blessé. J'en envoie même un petit échantillon à mon père. Ah, tu l'aimes? Oui. Ah d'accord, pardon, j'avais mal compris. Ah merde. Apertura. On a ouvert une brèche. Je vais plutôt dire un mensonge. Ouais, ma mère, je l'aime bien. Ouais. Merci, papa. Merci, ouais. Pipi. Merci, tonton. Merci. Nickel, ça, mes compagnies. Ah ouais, c'est ce que j'avais envie de dire, justement. C'est marrant, ça. Quelle coïncidence. Peut-être qu'on est fait l'un pour l'autre, on pourrait faire des gamins comme ça. Ça serait cool, non? Je suis anti-reproduction. Une gamme de gamins. On n'est pas obligé de se reproduire, on peut en adopter. Et comme ça, on aurait faire. Les allocs, ouais. Bah oui. On aura les allocs et on pourrait vivre longtemps. Ils vont les couper, ces fils de bâtards. Ah bon? Ouais. Ils vont te les couper ou nous les couper? Dans ton fion? Les burnes. Les burnes. Faut les remplir, on a dit. Ah, faut se les remplir dans les urnes. Ah, ça se remplit tout seul. Hein. Faut les épiler. C'est du bourrage de burnes. D'abord un godet. Sors la pince. La pince à moelle. La pince à burnes. Comme le secours. Tu vas te les resserrer, tu vas voir les boulons. Avant que ça pète. Ah, les vis. Et on n'a encore rien dit. 92.2 FM. Canal Sud. Ou www.canalsud.net. Nuisance. L'émission. Nuisance. L'émission de toutes les nuisances. Tous les vendredis de 21h à 23h. Il est d'ailleurs à peu près 23h. On va peut-être. C'est la fin de Harry. On va peut-être barrer le guitariste Fou qui est en train de se lâcher complètement dans son froc. Pendant que je ramasse ses crottes par terre devant mon canapé. Et merci, mais. Non merci quoi. Il est temps de gagner vos litières. Merci, mais non merci quoi. Je reste. Regagnez vos litières. À jamais. Un enculé. Par le fion. Par contumace. Par apologie du shit. Par aplégie du hit. Par les stupes. Et fion. Par une matraque. Fion. Stupéfiant. Ces trucs stupéfiants, c'est des flips. C'est flippant. Les flippers. Ils s'envolent. Les flops. Sauver Willy. La baleine. L'orque. Plutôt que sauver le monde. Organisez-vous. Organisez-vous en bande. Battez-vous contre les bandes rivales. Et les moulins à vent. Et gagnez du territoire. Ouais. Avec votre cheval. Et votre gain. Et une fois que Sancho vous aura pas trop rabanné, vous voyez ce que je veux dire, la les tête. Pieds et la tête, alouette, alouette. Vous louerez une limousine en direction du ciel. On vous plumera. Ou du fiel. Le tout avec une cuillère de miel. Merde. J'ai plus de rime en liel, à part le ciel peut-être. On l'a déjà dit. Moi j'ai rien. Ciel. Ciel, mon mari. Connerie plurielle. Ciel, mon épouse. Ça se dit encore ça? Oh ciel, mon épouse. Mais mon chéri. Non. Ciel, mon mari. Oh. Mais ma chérie. Non. Oui. D'accord. Oh. Ça se dit encore? Tout de suite, je te dis. Tu la mérites et celle-là? Plus que ça. C'est de bonne guerre. La c'est guerre l'enfer. Des airs. La dernière chance avant la fin du Hiroshima. Chemin. Hiroshima, ma. Tchernobyl. Nagasaki. Fujiyami. Fukushima. Pearl Harbor. Island, machin. Bikini. Pearl Harbor. Bientôt Google Fesh, peut-être. C'est Pearl Harbor. Nagasaki. Golfech, Golfech, tout ça avec moi, Golfech, Golfech, Golfech, Golfech, Golfech, Golfech, Fukushima, Golfech, Golfech, Golfech, Mururoa, pète, Golfech, pète, Golfech, Golfech, pète, pète, Golfech. Allah. Il est où le bar? Dans la poche du monsieur. C'est par là, mec. Il n'y a pas de sous. Ou dans la sous-poche de madame. Fais-moi un verre. Faut que je te paye un verre. Faut que je te paye pour que tu boives un verre. Fais-moi la der des verres. C'est hors de question que je te paye pour boire un verre. Je peux très bien boire un verre sans avoir à te payer. Je ne comprends pas. Tu me draguais ou quoi? De toute façon, je veux que le contenu. Hein. C'est dégueulasse. Ouais. De nos jours, les femmes essaient d'avoir la parité et les mecs, on leur paye pas de verre. C'est dégueulasse. Moi, je veux qu'on me paye des verres. Je veux la parité. Mais il est où le bar? Ah, avec Al. Ah. Quack, quack. Quack. Quack, quack. Quack, quack. Quack. I. Quack. Zer. Quack. Bad. Quack, bah. Zer. Mais où sont les prières? Avec leurs gestes pleins de suavité. Où sont les prières, les prières, les prières? Oh mon dieu. Un chauve vient de rentrer dans la salle avec une bière à la main. Nous reste-t-il encore une chance? C'est de la semence. C'est un coup de semence. Une plante. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est un verre, non. Parce que quand on a de la bière, il faut un verre. J'ai vu le tien, il est resté là-bas. Le mien, il est là. Alors, je vais le remplir. Помню чудное мгновение. Avant que montent les étoiles, rien ne vaut. Передо мной явилась ты. Rien ne brille encore à la voûte céleste. And never is never ending. Soleil, toi qui donnes le jour aux terres et aux cieux. Toi qui chaque aurore chasse la scintillante parure des nuits obscures. Où t'en retournes-tu? Dans ma voiture. Quand tu es encore à ton zénith, où jasse. Où vas-tu enterrer le jour? Pigeon, oiseau à l'aube grise, dans l'enfer des villes, tu te dérobes de notre regard. Pigeon, oiseau à la robe grise, dans l'enfer des robes de notre regard. Pigeon, oiseau à la robe grise. La mémoire reste obscure, antisme. Ouais. La création est vraiment vie. La mort fait partie de la vie, donc la mort, c'est l'obscurantisme. L'éternel flambeau qui fait vivre la mort. Le guide des étoiles. Toujours mourir ou toujours vivre, qu'importe. Tant que. Qui conduisait les siècles. Le zéphyr est là. Et marquait les solstices. L'acmé est là. Le pic. La pointe. Le bout. On ne verra plus la lune venir à la rencontre des feux d'Apollon. Et libérer la nuit. De cette erreur. L'apogée, toujours l'apogée de l'horreur. En ces mots, hashtag si bien dit, si bien dit, je puis m'exprimer en alexandrin, car d'un vain regard, je disparais en travers des sonnets. Dessonnant, désolant, je ne sais pas compter. Des eaux pilant. Des eaux se pilant. À Hiroshima, procure longue vie à Nagasaki. À Nagasaki, Fukuyama, Sadanaki. Les Américains sont morts. Mutants, dont Donald c'est Trump. Un mensonge. Trump, c'est Trump. Un mensonge. Nous avons perdu la guerre. Ochendo, Gayaduma, je pourrais pas vous voir. J'étais présent lors de l'accouchement. Nous avons perdu la der des der. Eh oui. La guerre. Bien la refaire. La belle. Non, je préfère ne pas voir. Par la belle, là. Français. Les jaunes, les noirs. Tuons-les. Les cochons. Les hiboux. Les enculés. Ça, l'arbitre. Les hiboux consanguins. Les foutres. Race caucasienne. Imperméable au métissage. Les ovules. Vive l'évolution. Les gamètes. Les mutants. Les manies seront à manier. Le futur robot maître de l'univers. La dernière fois. Parce que sur Mars, connard. C'est l'été, connasse. C'est et vive les mini-jupes. Oh, merde. 92.2. J'ai une couche. Tu veux la voir? Tatouée sur le pubis, ta cochonne de mer. Elle est pleine de merde. Ouais. Tatouée à la merde sur le front. Dans ma bière. Ouais, que tu bois. Perdu. Qu'on partage. Qu'on partagera pas puisque je n'ai pas envie, je suis mieux que toi, moi. Foule, Roland. Je ne partage carré. Pas. Parce que. Non, moi je donne. Parce que je suis dedans. Je suis dans le don. Moi aussi je suis dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends. Je suis dans le ouvre don. La bouche. Si tu veux. Et ferme-la aussi, s'il te plaît. D'accord. Et. Non, rien. Ok. Tant qu'à faire. La violence peut rester cachée. Il suffit de taper avec un bottin sur la tête. Il suffit de taper avec un bottin sur la tête. On enferme les yeux, quoi. Non, il faut viser quand même. On peut rater la tête si on regarde pas. Ouais, mais avec un peu d'habitude. Avec un peu d'aide de dessus. Je veux dire Dieu. Dieu avec est mort. Avec une tête bien docile. Ah, avec une tête bien dessus. Penché, levé au grain, gavé. Avec dans l'obscurité. Une totote. Avec une totote bien doucereuse. Ouais, canard d'élevage. Mais on est ici pour parler des élections, on n'est pas ici pour parler de la vie. Hein. Ah la bon. Vie, c'est de la merde. Tu le sais très bien, oui, quoi. Mais pense un peu à la ménagère ou bien. Pense à l'avenir, ouais, c'est ça, l'avenir de la ménagère ou du ménager. Je pense aux élections, c'est important. Dans pas longtemps, là, je sais pas, cette année, moi, je crois. Je pense aux érections, c'est tout aussi important. Les érectionnelles, je comprends. Ouais. C'est cette année. Attends, c'est présidentiel. Ouais, c'est comme s'ériger en direction du zéphyr, quoi. C'est l'avenir de l'hexagone, là. C'est comme ployer sous le vent d'un tantôt penchant à gauche, tantôt penchant à droite. La médiatrice, je sais pas, le cercle inscrit. C'est comme une chute du côté du chemin où on penche, quoi, en travers de la gorge atrophiée d'un ciboulot non mental. Moi, je dis, il faudrait ajouter à la liste électorale tous les Dahus de la région sud-ouest. Sud-ouest, donc comme ça, le pack des loups pourrait tourner avec une bande de personnes, en fait, qui ne valent rien. Voilà. Et on pourrait les perdre dans et la forêt. Du Gévaudan, est vivante. On le sait maintenant grâce au film. Oui. La bête du Gévaudan 2, le retour. Oui. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la fabrication d'un film aussi pourri, celui de ma vie. Il s'appelle Ma vie. Tous les figurants... peuvent être remerciés, merci. Qui ont été payés ou pas... sont barbus maintenant. Oui, voilà, volontaires ou... C'est les mutagènes dans l'air, tu sais. Triste victime... J'espère qu'ils les auront tués quand même avant qu'ils pensent faire une carrière dans le cinéma quand même. Douce heureuse. Une carrière dans le cinéma douce heureuse. Bon. Et tranquille. Eh oui, vive le cinéma français. Parce qu'il y en a qui se font des illusions quand même. Des couilles en or. Ils se font des couilles en or en suivant les bouts. En Belgique, ces fils de pute. Il y en a trois, il y en a trois. Il y en a 12 qui se sont fait des illusions en tombant dans le lac. Tu sais quel lac je veux parler ? Le petit Grégory qui fond. Le petit Grégory qui fond. Ouais, bah tu parles de... Non. Je me rappelle du... Non, c'est pas ça non plus. Non. Si, ah oui, c'est lui, là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Oui, en noir et blanc. Avec un truc, avec Boulevard. Et... Ouais, avec Benoît et Ben. Un bon gars, ce mec. Je le connais, j'ai bu un coup avec lui 3-4 fois dans mes rêves. Bah moi, je l'ai pas dans mes rêves, mais... Je crois que c'était lui, en tout cas. Il tenait bien un, hein, il m'a bien... Il tenait bien deux. C'est pas lui qui... C'est pas moi qui l'ai vu en double, mais c'est lui qui voyait tout en double. Et en travers de la gorge, toujours ? Oh. Moyennement ? Ou plutôt la médiane, en fait. Je veux dire la médiatrice, quoi, comme la dominatrice, tu vois ? C'est-à-dire la médiane dominatrice, c'est la domina médiatrice. Tu parles de la colonne vertébrale ? Des chakras, ouais. On en parlait tout à l'heure, justement. Les chakras de Poulvord. Non, chakra Shakira. Le Shakira. Shakira, ouais. Ça, je sais pas qui c'est. La chatte qui hara de Shakira. Ouais. Parce qu'elle s'est rasée récemment, il paraît. J'ai entendu ça parler avec Britney Spears, machin. Elle est morte d'ailleurs. Encore une fois, je veux dire l'autre. Pas elle, hein, l'autre, je veux dire. Mais c'est ce qui m'importe, moi. C'est pas qu'on puisse s'exprimer dans la vie. Hein. C'est qu'elle crève toutes ces putes. C'est d'avoir raison. C'est ça qui m'importe. J'aime à avoir raison. Donc m'exprimer, c'est pas mon truc, quoi. Dire ce que je pense, non. Par contre, m'exprimer, c'est pas mon truc, non. Par contre, avoir raison, ouais. Ouais. Ah, j'aime ça, avoir raison, putain. Ah, comme j'aime ça. Ouais. J'ai raison, non ? C'est ta raison, mais moi j'ai rarement raison, je pense. T'as pas tort non plus, t'as encore rien dit, moi non plus. Hein. Mais j'aime bien apporter des preuves. J'aime pas aimer, donc... Je déteste aimer. Ah, mais aimer, c'est pas une preuve. Ah non, aimer, c'est juste un besoin, quoi. Moi, j'aime que ma raie soit à l'horizon. À l'horizon ? Horizontalement, tu veux dire ? Ou pencher en avant ? Ça dépend de quel côté tu te places. Ah, j'aime bien être allongé aussi sur le côté des fois. Perpendiculaire ou pas ? Perpendiculaire ou hirsute. Ce que j'aime, c'est être en dessous. Vous aimez la géométrie, a priori. Un Pythagore, hein, Thalès. Thalère. Ouais. Arrête, tu montes le théorème de la bouche. Le théorème de la Bocca, le fameux théorème de la Bocca, avec l'équation d'onde, donc une des formules, des 14 formules qui ont révolutionné la science. L'on peut à présent savoir au nombre de dents si une dent de plus va passer sur la mâchoire ou pas, grâce à la Bocca, monsieur et madame la Bocca. N'est-ce pas ? Oui. Si tu prends le bon pi en bouche, et ben, tu détermineras la valeur ouais. Du FMI. De X. De X, et si il y a un X prime dans l'histoire, je peux toucher à l'autre pi ? Bah, suffit de factoriser. D'accord, bah, je factorise par pi alors s'il y a moyen. Il y a moyen ? Fonction affine. Ouais, équation de la Bocca. Sans affinité. Sans affinité, comme avec ça. Avec la géométrie. Juste par pur plaisir. Oh, tiens. C'est de la physique quantique. C'est quand t'as physicalisé ensemble, pourquoi pas ? Et plutôt séparément. Mais avant d'en venir là, il faut faire un peu d'arithmétique quand même. Carrément, il faut mesurer. Et après, tu commences par la géométrie, tu passes à l'arithmétique, ou avant, dans quel sens ? Ça dépend de Pythagore. Donc Pythagore était pour le trépied. C'était un fan du trépied, donc je me dirais si je me disais quelque chose, évidemment, que je prendrais 3 points dans l'espace, au hasard, et je ferais une fomentation. Une fomentation, c'est une rébellion des points en tangentiel, car le chemin de traverse est emprunté pour s'échapper, pour fuir dans les couloirs de l'obscurité. Parce que moi, je connais le triangle de Pythagore, c'est 3. Ouais. 3 fois 3, 9. 3, c'est ça. 5, 4. Pour 3, 5, 4, exactement. Pour faire tout à fait. Un angle droit. C'est comme aux Bermudes ou à Tahiti quand tu y vas. Quand t'as un angle droit, c'est comme si t'avais c'est ça. Un droit, un ouais, doigt, ouais, un doigt. Toi, ou deux, ou deux même. Voilà, tu vois, tu peux, y aller quoi. Voilà. Et tu peux les mettre. Tu peux les mettre bien comme il faut dans la phase des, de ces merdes quoi. Voilà. De ces enculfions mais, quoi. Mais il faut être assis. Ouais, il faut être assis un peu. Il faut poser un plan. Il faut être assez rassis quand même. Il faut repartir de Clyde. Il faut faire un plan. Euclide. Hein. Et après un angle droit. D'accord. Il faut asseoir le projet. Spéculons complètement, les angles droits ça existe. Non, mais un projet, il faut qu'il soit assis. Ah, on parlait de cul là, désolé. Moi je m'assieds dessus le projet. Ah, moi ouais. je parlais pas politique. Non, je parlais de fondement quoi. De, oui, de mais cul de... quoi. Enfin... Non, moi non. Ah si, moi je parle. Moi c'était très sérieux. Ah, moi je parle tout le temps. Ah, ouais, moi c'était. Ouais, très grave sérieux. Ouais. J'ai entendu ce que t'as dit. Hein. J'ai entendu la première fois, tu sais. Tu sais, t'as un plan. Tu peux, si tu veux, mais, ouais, carrément. Mais j'ai lu Michel Serres, il explique très bien. Ouais, vas-y, ouais. Tu vois. Et là, d'accord. Et le gnomon, tu sais qu'il a une assise. Une acidité. Ça dépend. Ouais. Mais il y a un fondement. Il y a un fondement, il y a un but, quoi. Je veux dire, il y a une origine, il y a un point de départ, il y a, y a une source, il y a une arrivée, quoi. C'est pas que physique. Non. Sinon, on serait jamais allé sur la Lune. Hein. C'est destinatoire, je dirais. C'est destinatoire. On serait jamais allé sur la Lune. Pourquoi pas aller sur la Lune, par exemple ? Mais sans ça, comment tu y vas ? Avec ça, comment on y va ? Si t'as pas dessiné un angle droit. Ou deux ? Voilà. Tu fais pas un angle droit ou deux, voilà. En plus, quoi. Si tu sais pas ce que c'est... Si tu sais pas poser ta main sur une table... Tu vas te planter vite fait. Tu sais pas comment poser la main sur une table, quoi, je veux dire. Ça me paraît évident qu'on va pas parler en métaphore. Ces gens-là, enfin, c'est comme des vases vides, quoi. Tu vois, c'est des creux de la main, quoi, poilus. C'est des... Non, c'est des véhicules. C'est des vieilles robes, usées, décrépites, par l'âge terne d'un moisi doré atrophiant. Mais à trop se fier, on finirait par redonder, peut-être. Atrophie, ouais. J'ai besoin de savoir ça. Ça, voir, ça... J'avais besoin. Il trêve de bilvezer. Bavardons un peu. Certes. C'est ce que j'ai envie de dire. De là à bavarder, c'est une autre solution. Peut-être finale, non ? Pas trouvé encore. On peut. Mais quel sujet ? Alors, on a été au théorème de la pute d'Euclide. La pute d'Euclide. Ouais, qui a visiblement glorifié toute la métaphysique quantique par ses propos inhérents à l'intrinsèque de la communauté mathématiquement, scientifiquement prouvée et probabilistement statistiquée en deçà de la probabilité d'exister. Tu m'emmerdes. Point. Je te coupe. Virgule. Pardon, coupe. Et tu peux me couper. Parce que c'est pas possible d'entendre j'ai un truc à dire. Pareil. J'ai parce un truc à dire. Tu te rappelles pas que la dernière fois qu'on se. Bilvezé. Bon, bilvezé. Non. Rature. Non, mais. Rature. Ça s'emballe. Ah, tu t'emballes. Ça s'emballe. Pas moi. Mais tu te rappelles pas que les dernières fois qu'on a croisé nos courbes, elles se croisaient à l'infini ? Nos parallèles. Bah, alors c'est la même alors. Toi, nos parallèles, elles se sont bien croisées. Toi, comment te dire que je m'en vais ? Comment te dire ? Tu veux pas l'avouer ? Que je m'en vais. Parce que bah, tu étais bien revenu quand même, et on était bien content de comprendre que les parallèles, elles étaient pas tout à fait parallèles. Tout à fait parallèles, donc elles sont croisées en fait. Donc les c'était un désir. C'était une question. Non, c'était un désir. Donc un questionnement. C'est là qu'on voit que le désir transforme le réel. Ouais, enfin, par la curiosité quoi. Oui, bah bon, c'était une chouette curiosité. Quand c'est le champ d'expérimentation qui est ployé ou déployé, ouais. Devrais-je dire. Mais après, tu sais très bien, quand, je sais pas comment on l'explique, je sais plus qui là. Tu mets un truc sur un plan, sur une nappe, ça déforme tout l'espace. Comme tu mets une boule sur un. Ouais, dans l'espace-temps, une masse ça, quoi. Voilà, ça déplace. Bon, ça, masse, ça modifie. Voilà, et bon. Est-ce que tu crois que un bon désir, ça peut transformer l'espace, tu vois ? Ça peut aussi être un mauvais désir qui se trompe. Ou qui trompe. C'est pour ça la colère, c'est pas une bonne solution. La colère. Je veux dire, pas comme forme de compassion, hein, juste la colère pure rage, hargneuse. C'est sûrement pas la bonne solution. La colère, ni la peur d'ailleurs. Non, non, je ploie pas. Là, il faut jamais, je pense que. Jamais dire jamais, Fievel. Faut jamais dire jamais, faut jamais parler, faut jamais dire des conneries. Non, là tu peux dire des conneries si tu veux. Non, mais la peur, bien sûr, la peur c'est la. Ah non. C'est le pire de l'ennemi. C'est l'ennemi pur, la peur. C'est l'ennemi pur. La colère, ça peut servir. Hein. Ouais, la peur aussi. Quand t'as peur, tu te sers de la colère des fois, parce que quand t'as peur. Ça peut arriver. Il ouais. faut dévier la peur. Si tu dévies pas la peur, si tu restes à que la peur, t'es malheureux, t'es trop mal et tu fais du mal aux autres. C'est ça, faut changer la peur en courage, quoi. La colère étant à part. N'est-ce pas? Mais sans colère. T'as pas de compassion non plus. Faut ouais. la rage, quoi. Ouais, et la colère, t'en as besoin de la colère. Moi, quand j'ai plus de colère, je me fais des piqûres de colère. Hein. Je me dis, putain, j'en ai plus. J'ai plus de colère. Colère Gounia. Ah ouais, c'est comme la dernière fois, il y a un mec dans la rue qui me disait qu'il était italien. Et c'est un peu la même chose en fait, tu me dis que tu fais des piqûres de colère, le mec il me dit qu'il est italien quoi. Ouais, je sais pas, ouais. C'est quelqu'un qui me parle quoi, c'est intéressant. Non ouais, ouais, je m'en parlerai pas, mais. Y'en a pas. Y'a une équation peut-être italien. Égal. Ah, mais les Italiens ils ont inventé. Ils ont inventé le vin, non, la vinification, ces mecs. C'était des purs génies, quoi. Des purs génies, la vinification. T'imagines inventer ça, quoi. La quoi, tu dis? La vinification, c'est. Ah, la vinification. Ah ouais, la vinification, c'est quelque chose de génial, je veux dire, c'est du génie. C'était les Mésopotamiens. Hein. Ah, les Mésopotamiens, pardon. Bah, c'est des génies. C'est des génies, les Mésopotamiens. Je sais pas où ils sont, là, s'ils sont tous morts ou quoi, mais en tout cas, c'est des putains de génies, quoi. Ce que j'ai compris, ils ont pris une fusée. Et ils sont suicidés tous, non, dans l'espace, quoi. Ils sont moins cons que nous. Ah, grave, c'est comme l'Atlantide, là. Les Mésopotamiens, on creuse, tu vois, pour trouver leur truc. Mais on sait très bien qu'ils sont déjà barrés, là-haut. Ouais, ils sont déjà barrés, c'est sûr. Hein. Bah, parce qu'ils sont pas là. Ils sont moins cons que nous, ouais. À mon avis, c'est comme les pyramides d'Égypte, quoi. C'est des vaisseaux spatiaux pour. Enfin, des Stargate temporels pour passer d'une ombre à l'autre, quoi. Mais moi, j'adore. Comment il s'appelle Ah, moi, j'aime pas, moi. Ah moi, le mec donc, que j'ai horreur là, Luc Besson là, le truc pourri là. Ah non, mais faut pas parler de nom, faut dire, tu sais, ce mec là qui fait un film genre ce truc là, tu sais, ouais, c'est de la merde. Ah non, mais moi j'aime bien dire son nom pour dire que je chie dessus, tu vois. Ah ouais, ouais, si tu veux, à la limite, c'est de l'art, c'est de l'art, on peut... Tant qu'on parle pas de politique, à la limite. Ouais, voilà, donc, Luc Besson, c'est une merde, voilà, ça que tu voulais dire. On peut quand même chier dessus, quand même. Il y a sûrement un autre Luc Besson, en plus on peut dire qu'on s'est trompé, on parlait d'un autre Luc Besson, tu vois. Ouais, ouais, parce que. Tu vois, pas Luc Besson aux États-Unis à Los Angeles, Luc Besson en France, tu vois, un Français, quoi, ouais. pas un Américain. Mais j'ai un beau-frère qui s'appelle comme ça. Ouais, moi j'ai un beau-frère, non, j'ai pas de beau-frère, tiens, c'est intéressant, c'est quoi un beau-frère? Ah, moi aussi, j'ai. Son frère, il est beau ou. J'ai rien compris à ça, entre ma tante et. Enfin, tu vois, le problème c'est. C'est déjà, un frère, il est beauf. Non, mais déjà j'ai eu un problème parce que j'ai couché avec ma petite cousine. Ah, ça c'est un problème, ouais. Alors, j'ai jamais compris qu'il fallait pas que je le fasse. Ça dépend quel âge t'avais, quoi. Ben voilà, donc là ça paraît permis, mais quand t'es adulte, on te dit t'as couché avec ta petite cousine. Ta petite cousine? Ah, je m'en fous, tu sais, c'est pas mon problème, mais si tu veux vraiment avouer ça, vas-y, mais à quel âge, quoi? Je suis curieux quand même. Avec quel âge qu'on faisait ça? Mais je sais pas, on était petits cousins. Ah bah ça va, mes petits cousins c'est... Bah voilà, après... Voilà, ça, bon, c'est moi la morale et l'éthique, j'en ai quelque chose à penser. Alors, mais nous coup, on le savait pas qu'on était petits cousins. Ouais, mais est-ce que vous savez que vous avez baisé? Bon, non, vous avez quel âge? Je suis 14 ans. Ah, mais c'était ta cousine, c'était pas ta petite cousine, en fait, quoi. Petit cousin, parce qu'en fait, c'était le fils des cousins de tes parents, c'est ça? J'ai rien compris. Ouais. C'était pas genre la fille du frère ou de la sœur de ta mère ou de ton père. Ouais. C'était genre la fille. Ouais, carrément. Ouais. De la fille du cousin de ta mère ou de ton père ou ouais, ton c'est... frère et de sa tante. Cousin, bon, on va dire ça comme ça. Me fait oui, bah ça, t'inquiète, moi aussi j'ai fricoté avec mon petit cousin quand j'avais 14 ans. Avec ton petit cousin, il s'appelait Johan. C'était à Tarbes, sur une terrasse. Sur une terrasse ? Ah bon ? Ouais. J'ai pas de fricoté avec mes petits cousins, quoi, mes petites cousines, quoi, je suis désolé. Là. En même temps, ma petite cousine a 11 ans et j'en ai 37, alors j'ai pas fricoté avec ma petite cousine, quoi. Et puis, ils sont même venus à Montréal une fois et puis il m'a mordu les nibards. Ah ouais, et... Sur le canapé des pliants du salon chez ma mère. D'accord, et il s'est fait pardonner après, en t'embrassant tranquillement, quoi. Bah non, parce que son père est arrivé, ils étaient témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, et donc il s'est fait maltraiter après, alors. Je sais pas. Tu sais pas? J'ai pas une nouvelle. Tu l'as jamais revu? Mince, c'est dommage, quoi. Si, on s'est revu, mais il s'était coupé les cheveux. C'était coupé les cheveux? Et il cultivait de la spiruline. Ah, la spiruline, c'est génial, ça, c'est plein de protéines, je crois. Ouais. C'est génial, c'est... C'était des smoothies avec des épinards. Les témoins de Jéhovah, ça cultive de la spiruline, maintenant? Ah, peut-être que dans 200 ans, on va dire c'est la faute aux témoins de Jéhovah s'il y a de la spiruline partout, maintenant. Ce serait marrant, comme les juifs, quoi, ils ont inventé les banques, ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Je te jure. Ça serait rigolo, quoi. C'est la photo noire s'il y a eu l'esclavage. Merde. C'était eux, les esclaves. Il n'y a qu'à refuser, quoi. Ah, c'était eux, ils étaient plus forts. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Plus gentil. Plus beau, plus malin. Mieux membré. Mieux membré, plus fort. Plus... Pourquoi ils se sont fait esclaves, quoi? Mais c'est quoi le truc, là? Si t'es mieux membré, plus fort, plus beau et tout ça... Par pur altruisme. C'est eux qui ont dit... Ouais, par altruisme, par gentillesse, quoi. Ouais, bon, d'accord, on a que ça à foutre. Allez, vas-y, je viens avec toi. Je t'aime. T'es gentil. T'es gentil avec moi, espèce d'homme. Faisons des enfants ensemble. Ce sera mieux que si tu fais des enfants avec ton frère à toi. Ouais, ça marche pas avec ton frère. Après, bon, voilà. Au moins, l'homme africain, enfin, l'homme noir à ce moment-là, quoi. L'esclave, quoi, je veux dire, évidemment, quoi. C'est ça que je parlais, quoi. Je veux dire, au moins, ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'ils t'emportaient au loin. Oui, mais ils étaient esclaves. Pas encore. Là, ils sont que migrants pour l'instant. Ah bon, c'était. C'est après qu'on les rend esclaves au travail. Ah, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Ah, ils savent ce qu'ils font, t'inquiète. Oh putain, alors. Ah, je sais. Moi, je suis déçu. Moi, je pensais qu'ils faisaient pas ce qu'ils savaient. Tu croyais que c'était juste spontané? Non, mais de toute façon, qu'ils étaient pas rentrés dans l'histoire. Non, c'est pas pour le fun, c'est. Qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. C'est juste pour faire chier qu'ils font ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est mon cas. Mon caca. Qui me fait dire que j'en pète. Prout. Ah oui. Et donc, je crois que. Si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, c'est pas fini encore. Hein. Il reste encore à peu près 3 secondes avant que j'éteigne. Canal Sud, 92.2. Merci à tous les non-auditeurs. Éteignez vite votre poste de radio, ne le rallumez pas. Nuisance.